c'est le point J. Alors, c'est avec bien ces points de point J, c'est l'intersection de l'angle S avec la ligne horizontale. C'est ça le point J. Donc, notre segment SP, il commence du point J et il se fait progressivement avec l'angle. Et à ce moment, on ne peut pas savoir à quel moment sa terminaison n'est pas précise. Donc, à ce moment, on ne peut pas parler de durée. Donc, ça veut dire que vous que le segment SP n'a pas de durée, c'est un segment. Il y a un début, mais il n'a pas la fin. Et habituellement, c'est son niveau est situé au même niveau du point J. Il est situé au même niveau du point J. Alors, parfois, ce point J n'est pas bien visible. Alors, qu'est-ce que vous faites pour voir s'il est sous-décalé ou bien sous-décalé? Alors, vous prenez le segment le plus, dans le segment S, vous voyez, vous prenez celle de la partie la plus horizontale du segment S. Et vous voyez le décalage par rapport à la ligne isoélectrique. D'accord? Le point J, il est habituellement situé sur la ligne isoélectrique. Donc on dit que c'est le même niveau du point J, le point J est situé sur la ligne isoélectrique. Donc on cette fois est évident. Il n'y a aucun problème dans le point, donc on compare par rapport au point J. Maintenant, si ce point J n'est pas bien visible, il arrive que le segment ST, au lieu qu'il soit un raccordement angulaire entre la fin de l'angle S et le segment ST, l'angle J. Le point J peut ne pas être bien visible à ce moment, on utilise la partie la plus horizontale du segment S. Et je vois, si à un moment donné je vois ST est comme ça, je le vois sur ce segment par rapport à la ligne horizontale, je peux calculer le... Donc, ce point, le segment ST, il peut être sus-décalé, un décalé qui ne dépasse pas les 1 mm, sus-décalé. Vous mettez des cas qui ne dépassent pas le 6 1 mm. Surtout dans les dérivations précordiales droites. Surtout dans les dérivations précordiales droites. Ou bien, le segment ST, au lieu qu'il soit sous-décalé, il peut être sous-dénivelé, c'est-à-dire sous-décalé. Sous-dénivelé, c'est une dépression comme vous voulez. Là aussi, le sous-décalage, la sous-dénivellation du segment ST ne doit pas dépasser de 1 mm. Et ça, on peut le voir dans les dérivations périphériques. Dans les dérivations périphériques et dans les dérivations précordiales gauches. On peut avoir des petites sous-dénivellations, surtout quand le malade a une tachycardie, surtout en cas de tachycardie. Surtout en cas de tachycardie. Il y a parce qu'il y a une dérivation, il y a beaucoup de moteurs, peut-être 2 pour les dérivations précordiales, 1 mm dans les dérivations périphériques. Au-delà de ces valeurs, votre sous-décalage peut être par rapport au gauche. D'accord ? Et le sous-décalage, on ne peut pas le voir, parce qu'on marche, mais c'est une question de mon GRN, on peut donner une dérivation par rapport au sous-décalage. Là aussi, ce sous-décalage ne dépasse pas de 1 à 2 mm. Alors, si ça dépend dans les dérivations périphériques, c'est 2, plutôt 1, dans le bord, c'est 2. C'est vraiment. près de 5 ans, parce que mon fils, et qu'on a la polarisation ça a duré, si le segment ST est imprécis, donc évidemment, la volonté, elle est, dans sa durée, elle est imprécise. Il n'y a pas de début. Parce que le début de l'onté, c'est la fin du segment ST. Or, la fin du segment ST n'est pas précise. Elle se fait, il n'y a pas d'angulation entre l'onde de segment ST et l'onde T. Ça se fait sur une courbe. Donc, on ne peut pas savoir exactement où ça va commencer l'onté et où ça va se terminer le segment ST. C'est pour ça que l'onté également, on ne connaît pas ça, son début, mais on connaît sa fin. On ne peut pas calculer la durée. C'est une onde monophasique, ok. Onde monophasique. Onde ascendante compte. La pente ascendante compte. Mais la pente de sommet, il est arrondi, mais la pente descendante est verticale. Donc ça lui donne, cet aspect lui donne un caractère asymétrique. Donc elle devient asymétrique. Là, ne donnez pas trop d'importance au caractère asymétrique. Ce caractère asymétrique, il existe comme on se vient d'observer. C'est contre le rendu particulier. S'il est trop particulier, toutes les entités vont devenir une ensemble asymétrique. Et également, quand les ondes T sont très amples, ça va vous apparaître asymétrique. Et donc, pour apprécier le caractère de l'asymétrie, il faut d'abord que le malade ne soit pas paquetable, il faudrait que l'amplitude de l'onde T ne soit pas trop grande. D'accord ? Non. Il dirait, c'est un segment qui n'a aucune explication. On parle de potentialisation, parce que n'y a pas d'autre paramètre. Seule différence, c'est le reste, il y a ce chef des sujets de l'autonomie, qui ont parlé des cartes, et le second aspect, le système carré, de manière importante. On peut atteindre jusqu'à 45 mm. Ou bien chez les sujets de l'astéroïde, qui sont un système carré. C'est ce qu'on appelle la polarisation précoce. D'accord ? Mais uniquement les neurotoniques et les sujets de l'astéroïde. Mais ce n'est pas pathologique. L'axe électrique de moins 10 est plus 70. Alors, comment ça va être transmetté au niveau des vibrations moins 10 et plus 70, c'est à peu près D1 et D2. C'est ça le donc, elle est toujours positionnée en D1 et D2. Elle est toujours négative en AVR. Elle fuit AVR, donc quand elle est en 70, l'extrême. Elle est quelque chose en position depuis moins 10 jusqu'à plus 70, elle est toujours opposée à la dérivation AVR. Donc elle est située à moins 150. Elle est variable dans les autres dérivations. Souvent on va en D3, très clairement négatif en D3, mais en AVR et AVR, habituellement elle est positive. Mais si elle est biphasique ou bien négative, c'est pas vraiment pathologique. Donc, variable, mais habituellement positif. Pour vous dire, une belle fois, vous allez trouver négatif, c'est pas le choix. Dans les dérivations précordiales, montée peut être négativement verte. Peut être négative? Oui. négatif pour B1 et positif à partir de B2, de B2, et toujours positif de la partie, sauf chez l'enfant. Sauf chez l'enfant. Toujours positif de B2 jusqu'à B6. Sauf chez l'enfant, on peut penser à B2. Commence à. Pardon? Peut être négatif en B2. Ouais, peut être négatif en B2 jusqu'à B3. Ce qu'on appelle les ondes T infantiles. Tout ça, pourquoi? Parce que la morphologie de l'onde T dans les vibrations précordiales, elle dépend de la projection du vecteur de dépolarisation. Or, ce vecteur de dépolarisation, quand il est projeté sur le plan horizontal, il est orienté vers l'arrière et vers la gauche. S'il est orienté vers l'arrière et vers la gauche, donc il va être chez l'enfant. Donc V1 et V2 et V3, ils sont en antérieur et vers la droite. Donc, il va être lancé par un terme négatif ou bien un vide de la gauche. Ensuite, plus qu'on grandit, plus le vecteur de l'information pour que l'on soit il va se déplacer vers la gauche, par la droite et par l'intérieur. Et à ce moment, il va devenir positif dans ses dérivations. Voici comment on explique à peu près pourquoi chez l'enfant, l'onde est négative. Alors, l'amplitude de l'onde généralement, l'onde T est nécessaire d'amplitude, surtout dans les dérivations périphériques. Dans les dérivations périphériques et très cordiales, à droite, à gauche, pardon. Dans les dérivations périphériques, ça fait des 1, 2, ABR, ou parfois elle dépasse, elle dépasse pas. Elle ne dépasse pas 0,5 mm. Elle peut, je ne dis pas, elle ne dépasse pas 0,5 mm, ou elle peut atteindre plutôt. Elle peut atteindre 3 à 4 mm. Donc, ou elle peut atteindre 0,5 mm. C'est 0,5 mm. 1 demi-millimètre. Donc, ce n'est pas méchant pour nous la voyer presque effacée dans ces dérivations. Alors, le maximum d'amplitude est surtout enregistré, le maximum d'amplitude de l'onde est surtout enregistré dans les dérivations précordiales par droite et moyenne. Précordiale droite et moyenne. Ça veut dire de V1, V2, V3. Vous voyez ce que vous restez qui est suspecté et monté qui est présent. Ou elle peut atteindre jusqu'à 12 mm. À partir après l'onde T, on va terminer par le QT. Je vais mettre un métal en V1, c'est géologique. Donc peut-être atteindre 12 mm en V1. C'est physiologique. Oui, c'est normal. Alors, on va voir l'interprétité. Donc, on peut dire que généralement, il est important de la polarisation moléculaire, mais il est plus pour le complexe. Mais improprement, on dit qu'il est important de la polarisation moléculaire, mais normalement, ce n'est pas le cas, parce qu'il inclut le complexe moléculaire. Je pense que c'est cette appellation a été accepté parce qu'on considère que la durée du complexe QRS est tellement petite par rapport au QT. C'est négligeable par rapport à l'ensemble de QT, mais c'est pourquoi ils m'ont appelé la repolarisation parce que pour la repolarisation, ce qui est le QT, il suffit beaucoup de variations. Il suffit beaucoup de variations. En particulier, dans une variation en fonction de l'âge et du sexe. Mais surtout, une variation en fonction de la fréquence cardiaque. C'est la fréquence cardiaque qui modifie beaucoup le plus d'intervalle QT. L'âge et le sexe n'agissent pas beaucoup sur la valeur du QT, c'est surtout la fréquence cardiaque. Et c'est pour ça que la plupart des auteurs ont essayé de faire la relation la valeur du QT et la fréquence cardiaque. Donc ce qu'on appelle le QT corrigé. Donc j'essaie de l'interpréter en fonction de ma fréquence cardiaque. On n'a pas le droit de dire un QT il est égal à 0,42. Ça n'a pas de sens. Si on ne vous donne pas à côté la fréquence cardiaque, à ce moment-là, c'est que le QT il est inversement proportionnel avec la fréquence cardiaque. Si on vous dit que le QT est corrigé, il est à 0,40. C'est une valeur approximative normale. Mais si de l'autre côté, on vous dit que la fréquence elle est de 150, ça devient pathologique. À 450, normalement, 0,40, qui était normal tout à l'heure, qui est très important, ça devient important. C'est pour ça que les gens veulent interpréter maintenant la valeur du QT en fonction de la fréquence cardiaque, qu'on n'appelle plus le QT, mais qu'on appelle le QT corrigé, le QTC. Corrigé, c'est-à-dire c'est un QT rapporté à la fréquence cardiaque. Et ce QT corrigé, il est donné par la formule, par une constante Q, racine de la durée de cycle. RL, on a le QT corrigé, QT corrigé, est égal à un coefficient Q, racine de RR, c'est-à-dire la durée de cycle. Donc, R jusqu'à l'autre R. C'est la durée de cycle. La durée de cycle, c'est quoi? C'est R sur la fréquence cardiaque. D'accord? À ce moment, ce coefficient a été calculé. C'est un coefficient du QT. Du QT, donc la fréquence cardiaque est de 65 par minute. C'est la valeur du QT pour une fréquence de 60. Et là, vous voyez que le QT plus la durée de RR par l'autre. La racine carrée de cette ligne, ça sera la plus grande. Donc le QT augmente quand la fréquence cardiaque et quand il y a une bradycardie. Maintenant, quand il y a une tachycardie, le se raccourcit. Il y a seulement le QT, il va diminuer. D'accord? Habituellement, pour une fréquence de 66 par minute, le QT est de 2,33, plus ou moins 0,04. Pour une fréquence de 80, il est de 0,34 pour une fréquence de 80 cycles par minute. Et quand la fréquence est aux environs de 100, le QT est de 0,31. C'est pour dire que plus la fréquence augmente, plus le QT diminue. Donc, 0,34 pour 80 et 0,31 de 0,2%. Voilà, à peu près, donc retenez que dans la lecture de la méthodique, il faut que vous interprétez en fonction de certains paramètres, l'âge de sexe, il ne faut pas se précipiter, si vous taxez un malade, à porter un diagnostic erroné, on va se reconduire partout au contraire par la suite. Donc, être prévisible, interpréter les paramètres en fonction de l'âge, les interpréter en fonction du sexe et certaines conditions qui ne sont pas totales. Je vous dis ça. Le texte, dans mon sens, le corporel, la grotte, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà, après cela, on va voir les cours du riz. Thank you. Donc on avait dit la dernière fois que l'érection cardiaque, qui ne signe pas, l'érection cardiaque normale ne signe pas. Et puis ils sont enlevés par des décharges régulières qui ne signent pas. Et à l'ECG, on va le reconnaître. On dit qu'il y a une mécénisale, donc chaque entreprise qui reste est percutée par une entrée. Donc il ne peut pas y avoir de contre-culture sans entrée. Ouais, il faut d'abord avoir des collaborations originaires, ensuite elle va atteindre des motricules en passant évidemment par des horaires de l'œuf, de ton service et la multiplication des petits. Voici la situation. Mais dans certaines situations, surtout pathologiques, il arrive que l'influx du nœud sinusal soit ralenti ou bien bloqué. Ralenti ou bloqué. Des BAV ou bien des blocs sino-auriculaires. Donc l'influx, elle est au niveau du nœud sinusal, il est bloqué au niveau de l'oreille. Parce qu'on n'a pas passé, on peut imaginer que le nœud sinusal est au-dessous, il y a une fibrose, ou tout simplement la voie, ou tout simplement qui a détruit les cellules qui font transmettre l'influx électrique sinusal. Il va y avoir une destruction à ce niveau. Donc il ne va pas passer. Et donc, l'influx n'est pas transmis vers les ventricules. Et à ce moment, ce sont les voies de conduction sous-jacentes qui vont prendre la commande. C'est ce qu'on appelle le foyer de chargement. Vous voyez, quand le cas dans les VR. Ça, c'est comme vous le voyez, ce sont des foyers d'échappement qui viennent au secours d'une sinusale ou bien de l'influx qui a été interrompu. Ce n'est pas la fin du monde, ce sont les foyers qui viennent après. Si c'est le nœud sinusal, c'est juste après le horizon ventriculaire que l'on va pouvoir. Et même pour ça, même sur le horizon ventriculaire, c'est le situation de cellules qui autres. Même si le nœud sinusal, le ventriculaire est tout petit, mais c'est toujours les petites cellules qui prennent du poids de céphalique sur la tête qui commencent à prendre la commande. Et si ces cellules sont détruites, c'est juste qu'ils viennent après, ainsi de suite. Si c'est le nœud avec les complètement détruits, c'est celui qui constitue le temps de façon lisse. Donc normalement, c'est une reprise. Une reprise de le seul inconvénient de cette reprise, c'est la fréquence. On sait très bien que le traumatisme, plus on descend depuis les cellules ça diminue. Et à un moment donné, quand on descend très bas, l'automatisme est tellement loin et la fréquence cardiaque va être diminuée. Et quand la fréquence est diminuée, à ce moment, le génie cardiaque va diminuer. Et quand le génie cardiaque est diminué, il y a une hypoperfusion cérébrale, en particulier cérébrale. Il n'y a pas que cérébrale, même le cœur aussi il va souffrir. Mais c'est le cerveau qui s'envole plus, parce qu'il est le plus fragile, le plus sensible à l'ischémie. Et à ce moment, ce sont des gens qui ne vont pas faire la connaissance. Puis ça devrait se prolonger, le cœur ne souffre pas non plus, ça donne une ischémie profonde jusqu'à l'époque. Et en particulier lorsque l'individu fait un effort. Des fois, on a besoin d'augmenter la tachycardie, c'est que le tachycardie ne sont pas interprètes parce que le foyer il a son maximum. Et à ce moment, ça majeure les effets de la conséquence de cette bradycardie. Là, c'est le foyer, ce qu'on appelle les foyers d'échappement qu'on voit actuellement, les blocs auriculaires ou les blocs sino-auriculaires. Mais l'autre possibilité, ce n'est plus une interruption, mais ce sont des cellules qui vont acquérir un automatisme supérieur à celui du nocinisme. Vous voyez, ce sont qu'on appelle des foyers ectopiques. On les voit dans les troubles spirituels. La première situation, dans les troubles de la conduction, on les appelle les troubles de foyers d'échappement, dans les troubles de la conduction, dans les troubles de on les appelle les foyers ectopiques, mais ils sont actifs, ils sont plus rapides. Ils sont actifs, donc plus rapides sont des cellules qui vont acquérir ce jus banal ou bien du tissu conductif. Ils vont acquérir un automatisme supérieur à celui du nocinisme. Et c'est le plus rapide va l'emporter sur le moins rapide. Et à ce moment, le nocinisme, quand il trouve un foyer qui décharge plus que lui, il va se comporter comme les cellules de notre tissu de votre production, comme les cellules d'une AV, comme les cellules du tronc du faisceau lisse, ils ne fonctionnent pas. Ils vont suivre, ils ne font que transmettre l'influx. Mais si l'influx ne leur parvient pas de l'influx sous-jacent, ce sont les cellules sous-jacentes qui prennent la cause. Donc on peut imaginer qu'un foyer ectopique qui siège au niveau de l'oreille, au niveau de la gauche, au niveau du sommet, de la base, de côté latéral, et ainsi de suite, qui vont acquérir le traumatisme. Quand il est supérieur, ce sont eux qui vont prendre la cause. À ce moment, on peut avoir, si ce foyer décharge en permanence, ça devient un rythme. S'il décharge de temps en temps, c'est une extra-systémie. Alors, les troubles du rythme donc, sont classés habituellement selon leur siège. Ils sont classés selon leur siège. Je n'ai pas détaillé les peuvent acquérir un automatisme, mais je vais vous donner des exemples très rapides. On peut imaginer qu'une cellule, quand elle est intéressée par de l'ischémie, des souffrances, ne souffre pas bien tard, l'oxygène du cœur, la cellule, elle va souffrir. Quand elle souffre, le premier élément de souffrance, c'est la lésion de la membrane cellulaire. Quand une membrane cellulaire est lésée, elle va devenir plus perméable. À ce moment-là, va fuite ionique. Quand il y a une fuite ionique, la cellule, elle se dépolarise. Mais cette fuite, elle est généralement progressive, la dépolarisation est aussi progressive. Mais quand elle se dépolarise, celle qui était aux environs de moins 80 millimètres, elle se dépolarise spontanément et progressivement. Pas spontanément parce qu'elle est malade. Progressivement, il y a une perte de la dépolarisation progressive. Et quand elle atteint le potentiel, c'est de moins 80 jusqu'à moins 60, moins 60, c'est l'équivalent de son potentiel seul, elle va donner naissance à un courant électrique et ce courant électrique, elle va se comporter. Une fois elle est née, elle va transmettre dans le. C'est ce qu'on voit habituellement dans les apparatus ischémiques. Il y a également d'autres exemples, en particulier quand il y a. Quand il y a des cellules qui sont adjacentes et qui n'ont pas le même comportement électrophysiologique. Généralement, les cellules, quand elles sont l'une vers l'autre, elles ont le même comportement, sinon ça va appeler un cœur. C'est comme s'il y avait deux dieux. Chacun a une responsabilité. Le monde avait bien créé les choses. Que les cellules qui sont bien plus peureuses ont le même comportement électrophysiologique. Mais dans certaines situations pathologiques, on peut avoir des anomalies. Et je donne un exemple, que lorsqu'une cellule a une période réfractaire, beaucoup plus, surtout dans la repolarisation, beaucoup de période réfractaire, beaucoup plus longue que l'autre. Alors qu'elle doit avoir une période réfractaire tout proche. On va avoir des implications de ionique, il y a également des problèmes de médicaments, les anti-alchimiques, etc. Donc, ils vont modifier les périodes réfractaires des cellules. Ils vont les modifier de façon, pas de la même façon, de façon équivalente, ils vont avoir beaucoup plus d'influence sur une plutôt que l'autre. Et à ce moment, on va avoir une période réfractaire courte, l'autre, elle est longue. Quand elles sont dépolarisées, ils vont avoir deux cellules. Une, et c'est le qu'on appelle la cellule A, va entre la cellule qui sont adjacentes et en contact de l'autre. Supposons cette cellule à l'intérieur de l'équateur supérieur à l'équateur de la cellule. Puisque la porte est déconnectée et vient de passer. Et pour se déporter, il n'y a aucun problème. Si cette partie ne vient pas, cette cellule qui est à l'intérieur de l'équateur longue, ça, la cellule B a permis sa dépolarisation. Quand elle termine sa dépolarisation, elle devient excitable. Là, elle n'a pas encore terminé. C'est cette cellule, quand on n'en a pas, elle va stimuler la cellule B. Maintenant, quand la cellule B vient d'être stimulée par cette cellule, elle sort de sa période réfractaire. Elle a terminé sa dépolarisation. Quand la cellule a terminé sa dépolarisation, elle va exciter par la deuxième, parce qu'elle a terminé sa dépolarisation. Elle devient excitée. Et ainsi de suite. Et ça crée un gros c'est une situation qui peut donner de la cardiaque, dans les situations sympathiques, et on sait très bien que les sympathiques et les parasympathiques, ils ont une action directe sur la période réfractaire, ils raccourcissent la première et allongent les pieds un peu un bon issue des sympathiques. Et ça crée un asynchronisme, qu'on appelle l'asynchronisme, de la période réfractaire. Il va être à l'origine des excitations entendues. Voici à ce moment-là quelques-uns, il y en a 4 ou 5 mécaniques seulement, que je ne veux pas détailler, sinon ça va nous prendre au moins 3 à 2 pour ne pas les comprendre. Sachez qu'une cellule peut subir de manière automatique par ces mécaniques. Même les cellules banales peuvent acquérir un automatisme anormal. Alors qu'elles ne sont pas douées d'un automatisme. Ce n'est pas uniquement des cellules tout suivantes qui peuvent acquérir un automatisme au-dessus de l'automatisme du neucéphale. Ça pourrait être des cellules du tissu de contraction musculaire. Ces cellules qui sont destinées à la contractilité, elles peuvent générer un courant électrique. Pourquoi justement par ce mécanisme? On peut avoir des cellules. Donc, qui sont touchés par une ischémie, et le corps commence à s'accomplir, il passe à créer des réexcitations focales entre les deux, et ça donne des troubles du nerf. Donc, c'est l'acquisition anormale ou l'exagération d'un automatisme qui peut donner des troubles du nerf. Bien, alors la classification, c'est, je vous ai dit, qu'elles sont en fonction du ciel. Donc, il y a des troubles du nerf. Et donc, ça, ce n'est pas cardiaque, mais ça n'a pas de cardiaque, c'est pas pour vous dresser. La cardiaque sinusale, c'est bien la cardiaque sinusale. Et dans la cardiaque sinusale, la cardiaque sinusale, vous avez l'entrée, le compensateur, son frein. L'entrée est normale, l'intervalle PR est aussi normal. Le complexe est assez fin. Sauf si le malade a un bloc de broche associé. Oui, il a un bloc de broche. À ce moment, vous allez avoir une tachycardie sinusale, mais avec un complexe qui est là. Pourquoi là? Parce que le malade avait déjà un trouble conductif intraventriculaire. On peut avoir une activité normale. D'une sinusale qui active normalement, par exemple la tachycardie, elle active normalement. Il se trouve que parfois, quand il y a une tachycardie, très important. Sur la durée. des situations, qu'on appelle le bon vent organique. Mais il y a, attention, il y a des fonctionnels. Pourquoi? Parce que l'influx est tellement rapide, ça se produit pas qu'il casse. Les facteurs qui dépassent les 150, 200, alors, imaginez, c'est tellement rapide, la branche droite ou bien la branche gauche n'a pas encore eu le temps de récupérer. Quand un influx qui vient du résultat qui décharge à 200, il y a le premier qui va passer, il passe sans problème, mais le deuxième, il arrive aussitôt, rapidement. Mais quand il arrive rapidement, les voies de production à travailler n'ont pas encore récupéré. Donc à ce moment, l'influx ne va pas traverser, sans opérer le facteur. Donc les voies de production sont normales, mais ils n'arrivent pas à repasser parce qu'ils viennent d'être dépolarisés par un influx précédent. Le prochain, quand il arrive, il est tout opéré le facteur absolu. Ou bien relatif, il ne peut pas être relatif. C'est ce qu'on appelle les bottes de branche. Il suffit de ralentir la fréquence cardiaque ou de complexe pierre, c'est le comportement sur le bilan. Donc dans les produits sinusales, il n'y a que la fréquence. La fréquence, quand elle est au-delà de 100, on parle de bradycardie. Quand elle est inférieure à 60, on parle de bradycardie sinusale. Et sinon, l'entier, le complexe PR, le complexe PRS sont bons. Alors, on passe rapidement au truc auriculaire. Dans les trucs bientôt, on va insister beaucoup plus sur la systémique auriculaire. C'est le même, aucune idée, ça aussi. On peut imaginer On peut imaginer qu'il y a un foyer ou bien plusieurs foyers au niveau moléculaire qui vont décharger l'un après l'autre et qui vont transmettre l'afflux vers les ventricules. Or, la capacité de la transmission de l'afflux, elle dépend de la période réfractaire du node orchiloventriculaire. Quand le rythme est trop rapide, ça crée un bloc fonctionnel, un bloc orchiloventriculaire fonctionnel. Quand il n'est pas trop rapide, ça risque de passer, tous les afflux vont passer. Et là, on revient à la relation entre l'activité auriculaire, entre les tachycardies auriculaires. Alors, on existe entre l'activité auriculaire et l'activité ventriculaire. Donc, cette relation, elle peut être 1 pour 1 sur le mode de la transmission, elle se fait sur le mode 1 pour 1. Un afflux auriculaire va être transmis dans les ventricules. Et à ce moment, on va avoir une onde P pour un complexe QRS. Chaque fois, P pour un complexe. Maintenant, si le rythme est beaucoup de ce point, il est beaucoup plus rapide. De P par un QRS. On va avoir une interruption sur deux. Et on va avoir une activité auriculaire, deux activités auriculaires. Pour un activité. Comment ça se passe? Le rythme est tellement rapide que le premier va passer, mais le deuxième, quand il arrive au niveau d'une AV, il le trouve en période réfractaire absolue. Et à ce moment, il n'est pas transmis. Et ça, on va avoir. Une activité auriculaire transmise, donc elle n'est pas transmise. Quand on dit transmise, c'est-à-dire suivie d'un coronavirus. Donc elle n'est pas suivie. Dans certaines situations, ça c'est l'exemple qu'on peut faire comprendre aux étudiants facilement. Mais la transmission, plutôt la période réfractaire, ce n'est pas toujours la période réfractaire absolue. Il peut tomber en période réfractaire relative. À ce moment, le premier et le deuxième passent, le troisième ne passe pas. Elle est 3.1, et parfois elle joue en permanence le 3.1, mais ça peut être, en quelques moments, c'est 3.1, ensuite 2.1, ensuite 1.1, ce qu'on appelle la conduction auriculo-ventriculaire variable. Alors, donc, la conduction de la relation, la conduction auriculo-ventriculaire du foyer ectopique, elle peut se faire sur le mode 1 pour 1, c'est surtout pour les tachycystolies longues. Là, je vous ai dit 110, 110, c'est pas normal. Donc, c'est dans ces situations où on peut assister à une transmission 1 pour 1. Ou bien elle peut se faire sur le mode 2 pour 1 quand elle est rapide. 2 pour 1. Dans ce mode, il n'y a pas une grande différence avec tachycardie sinusale. Pardon? D'une première cas. Oui. Ah oui, elle est très difficile de la reconnaître des tachycardies sinusales. Oui. Et je vais vous donner quelques exemples qui vous permettent de faire la différence. D'accord. Mais pas dans toutes les situations. Ou bien la conduction auriculo-ventriculaire, elle se fait sur un mode variable, c'est-à-dire 2 pour 1, 1 pour 1, 3 pour 1, et ainsi de suite, c'est le mode variable. Alors maintenant, une fois l'influx arrive au niveau des ventricules, il va dépolariser les ventricules, donc il va cheminer à travers la branche droite et la branche gauche. Toutes ces deux branches sont intègres, on va avoir un complexe QRS. Normal. Mais quand il dit que c'est soit parce qu'il y a un autre branche organique associée, ou bien parce que la tachycardie est très rapide, on va avoir un autre branche associée, et on va avoir à ce moment un diode large qui va suivre l'autre. Alors, votre camarade vient de poser une question qui est très pertinente et qui me dit comment alors on fait la différence de tachycardie. Si ça, une tachycystolie qui a une fréquence normale ou bien à 100-110, elle va conduire 1 pour 1 comme une tachycardie sinusale, il n'y a aucun problème. La reconnaissance entre ces deux dépend de la morphologie de notre P. Dans la tachycystolie, la morphologie de notre P est souvent anormale. Pourquoi? Parce que ça dépend du foyer ectopique. Ce foyer ectopique peut être situé dans n'importe quelle direction, dans n'importe quelle partie des oreilles. Ça pourrait être le plancher, le plancher en bas, ça pourrait être la paroi latérale droite, ça pourrait être la paroi de la droite par la gauche, l'antérieur, le postérieur. Et à ce moment, de votre influx, il va se devenir opposé à celui de la, du nœud sinusal. Le nœud sinusal, quand il décharge, c'est depuis le toit du nœud sinusal qui va défendre en bas. Mais imaginez une partie systolique avec un foyer. Voici le nœud de polarisation, ça va se faire dans ce sens. Vous avez des 1, des 2, des ABS, ABS, et ainsi de suite. Imaginez que mon foyer se situe ici à ce niveau-là. La polarisation, elle va se faire dans ce sens. Et si elle va se faire dans ce sens, comment je vais avoir le moment du moment B, elle est opposée à B1, elle est ici, donc elle va être négative. Elle va être négative au lieu de. Au lieu de. Donc ça, c'est une. C'est un cas. Dans la variété sinusale, l'autre B, elle est opposée en B1 et en B2. Elle est souvent opposée en B1 et en B1. Vous mettez dans la partie systolique. Vous allez avoir des entrées qui vont être négatives en l'air. Ça peut être siégé à ce niveau-là, ici. Donc, elle va dépolariser dans ce sens-là des horaires. Et à ce moment-là, l'onde P, elle va devenir positive en l'air, puisqu'elle va être dans ce sens. Mais elle va être négative au début de 3 et R. Par contre, ça, c'est des paramètres qu'il faudrait prendre en considération, c'est la morphologie de l'onde. Donc la morphologie de l'onde P se rapproche de la morphologie normale de l'onde P. Il y a des, là où on ne pourra pas faire la différence entre les deux, on peut imaginer que mon foyer ectopique, mon foyer ectopique, siège ici, je le la morphologie de l'onde. Et à ce moment-là, la morphologie est identique, on ne pourra jamais la reprendre. D'accord. C'est aussi la morphologie normale, la fréquence est énorme. D'accord. Mais en quelque sorte, elle ne va pas perturber l'hémodynamique du cœur. D'accord. Oui. Donc, retenez que la morphologie des ondes P de l'extraction est anormale. Elle dépend du siège. Pour ajouter, donc la commande P, la morphologie de P, elle est anormale. Elle dépend du siège du foyer ectopique. Après la partie systolique, on va voir le flutter auriculaire. Flutter auriculaire. Entre 250 et 350. Mais la moyenne, c'est habituellement 300. Là aussi, je parle de l'activité ventriculaire. Je ne parle pas de l'activité ventriculaire. Parce que l'activité ventriculaire, elle dépend de la transmission vers les oreilles. Si c'est transmis, ce serait dans le mode de courant. À ce moment-ci, l'activité auriculaire est à 300. Le mode d'activité ventriculaire, c'est la moitié. 150. Et je parle quand on dit 350 et 350 avec les ondes P, avec les ondes F, de même morphologie, qui sont plutôt identiques, les ondes F on ne les appelle plus, ils ont fait pas le terme d'entrée, et pour donc préciser ça. Après, on continue, et puis on les appelle les zones absentes. Les zones sont toutes identiques, mais qui prennent un caractère particulier au don de si. Qui prennent un caractère particulier au don de si. Particulière en dos de ski. Avec des antennes. En dos de ski, c'est-à-dire que les antennes ils ont une phase négative et une phase positive. Particulière. Un aspect comme ça. Et comme elle est rapide, il y a une autre bande F qui va suivre immédiatement. Voici la deuxième. Et ça donne un aspect continuellement. En fait, ça donne un aspect en mode de si. D'accord? Je vais rapporter à mes juges, bien être complexe QLS. Non, j'ai choisi. C'est par rapport au mécanisme électrophysiologique de l'influx du flutter. Quand l'influx du flutter, il est toujours au niveau de la base de l'oreille gauche. Et il va remonter vers le toit de l'oreille et il va s'infléchir par la suite vers le ventre. Voici ce qui se passe dans le flutter. C'est un moment. Qu'on appelle un mouvement de réentrée circulaire. Je n'ai pas des tarifs de je ne sais pas. Vous venez par la suite de prendre du faisceau de X. Ensuite, il va repasser ici, et chaque fois qu'il fait la boucle, on voit un influx vers les ventricules. Donc là, c'est un mouvement circulaire qui se fait au niveau des oreilles. Et on va voir, parce que nous, on va comprendre pourquoi cet aspect biphasique de l'onde P. On avait dit au début que l'onde P, c'est une onde monophasique, une fois qu'on fait par l'onde P, c'est une onde monophasique. C'est là que l'on voit ici. C'est en particulier au niveau de la mer, et bien sûr, l'influx. Il déploie de façon ascendante et rétrograde de l'oreille gauche. Comment ça va être quand on déploie de la mer et on déploie ? Négatif. Donc on va avoir une forme négative. Ensuite, quand il passe ici, il est en train de faire un peu de temps, mais quand il descend ici, il en reste une réflexion, c'est un peu de temps, on va avoir un aspect comme ça. Ensuite, ça se résoudre. C'est pour ça qu'on va avoir, pour le F, il en biphasique, la première phase étant négative, la deuxième, elle est positive. Toutes ces zones de paix, elles sont toutes identiques, mais sans repos compensateur, sans repos entre les zones. C'est pas, il n'y a pas, les zones ne sont pas individualisées. Il y a une dès qu'elle se termine, elle va être repris. C'est tellement rapide, et un autre qui va dépolariser les oreilles. D'accord ? À ce moment, quand il y a succession, vous allez avoir un aspect en dendrisse. Alors. La conduction auriculo-ventriculaire pour un influx très rapide au niveau des oreilles se fait, certains vont être transmis vers les ventricules. Et avec 300 habituellement, quand les voies de conduction auriculo-ventriculaire sont intactes, ne sont pas malades, à 300 on peut transmettre une fois sur deux. Donc la première passe, la deuxième passe pas, la troisième passe, la quatrième passe pas, et ainsi de suite. Et on va avoir un aspect 2 pour 1. Alors, elle se fait habituellement sur le mode 2 pour 1 quand les voies de conduction ne sont pas atteintes, ne sont pas malades. Maintenant, si ces voies de conduction, en plus de la conséquence de la fréquence cardiaque, vous allez avoir des conséquences anatomiques, donc à ce moment, la conduction se fait beaucoup plus importante. Elle fait sur 3 pour 1, 4 pour 1, bien voir, il y a un lien avec votre fréquence auriculaire, votre fréquence pour vous faire ralentir. Pas souci. Donc, vous avez les conséquences de la tachycardie. Il y a peut-être la tachycardie. Imaginez que c'est un enfant malade. Donc, la durée de la récupération est beaucoup plus longue. Et à ce moment, vous allez, au lieu d'avoir une fois sur deux, vous allez tout reprendre bien deux fois sur deux. Donc, la réponse ventriculaire, elle est rapide, mais elle est également en moitié, une fois sur deux. Donc, on s'en de 150. Alors maintenant, comment ça va être la morphologie des complexes? C'est la même chose. Tous les trucs du supramatique travaillent de la même manière. Alors, là aussi, la morphologie des complexes dépend de la qualité de la branche droite et de la branche gauche. Quand les voies de conduction intraventriculaire sont normales, à ce moment, on va avoir un complexes qui frappe. Quand les voies de conduction sont malades, ou bien parce qu'il y a le rythme beaucoup plus important, on va avoir un bloc de branche organique ou bien fonctionnel associé à ce moment, les complexes pièces vont être beaucoup plus larges. Et le massage. Le massage cardiaque. On va terminer aussi la conception de la parole. Et là, c'est le passage qui se ralentit. C'est le sympathique, le parasympathique qu'on va stimuler. Il va ralentir l'activité au niveau du nerf. À ce moment-là, ça risque de bloquer la pratique. Alors, donc, les complexes sont fins ou allongés au cas de bloc de branche. Après le splitter auriculaire, on va voir la fibrillation auriculaire, ce qui fait le plus grand ravage dans le monde. La fibrillation auriculaire. On l'appelle l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Alors, le siège, bien entendu, pour le fidèle, comme on l'appelle, siège au niveau de la soirée, extrêmement rapide. On avait dit pour la tachycardie entre 110 et 200, pour le fidèle, entre 150 jusqu'à 600. Très rapide. Là aussi, c'est la fréquence auriculaire. Elle est irrégulière. Des oscillations irrégulières de la ligne de base. On avait dit pour la tachycardie, des ondes sont bien individualisées, qui sont séparées l'une de l'autre. Et la morphologie, elle dépend de la tétroïde. Dans le flutter, ils vont avoir une succession de zones biphasiques. Dans la fibrillation auriculaire, des oscillations de la ligne de base irrégulière, comme ça. n'ont pas la même morphologie, ils n'ont pas la même durée, ils n'ont pas la même complétude. D'accord. Et on peut imaginer que le mécanisme, c'est plusieurs foyers, des milliers et des milliards de foyers qui déchargent presque en même temps. D'accord. À être construite vers la vie. Donc, quand on dit de la fréquence 600, on ne peut pas imaginer un cœur qui puisse travailler à 600. Il n'y a pas de cœur qui peut résister à 600. Déjà, à 250, on arrive difficilement. À 600, c'est la réponse de ce cœur. Pourquoi ? Parce que si le cœur va à 600, il n'a pas le temps de se remplir. Pourquoi ? Pour qu'il puisse envoyer du sang, il faut une diastase pour recevoir d'abord du sang, pour l'envoyer. S'il ne reçoit pas du sang, il n'en prend pas. Et à ce moment, ce n'est pas de choc. Heureusement, dans la fibrillation auriculaire, ce n'est pas tous les afflux. C'est comme dans le fluteur, ce n'est pas tous les afflux qui sont transmis par les ventricules. Il y en a plusieurs, il y a un blocage au niveau de ventriculaire. Pour être précis, 7, 8, même parfois, des ondes F qui ne sont pas transmises. D'accord ? Il y a un bloc au rythme comme dans le fluteur, mais ce bloc, il est variable, comme le fluteur, mais c'est jamais que pour un temps, il est variable. Ça laisse passer 3, la prochaine fois c'est 2, la quatrième c'est 6, et ainsi de suite. Ce qui fait donc la conduction au rythme est très variable. Très variable. Irrégulière. Donc ce n'est pas comme dans le fluteur, elle est régulière de point 1, vous avez deux entrées, un contre-terrain, deux entrées, un contre-terrain. Là, parfois c'est 4, parfois c'est 3, parfois c'est 2, et ainsi de suite. Alors, maintenant, on va voir, donc c'est toujours par DAB. Du chef, on va voir l'historique, ça dépend des capacités de génocidisme. Quand le sang n'est pas malade, il y a beaucoup qui vont passer. Et quand ils sont malades, encore il y a moins de zones qui vont passer. À ce moment, dans certaines situations, vous allez avoir un bloc auriculo-ventriculaire qui sera très fort, qui est définitif, et aucune onde de la fibrillation auriculaire ne sera transmise. Et à ce moment, vous allez avoir une activité ventriculaire qui dépend du foyer d'échauffement, qui est ventriculaire. À ce moment-là, les activités auriculaires parlent, c'est les activités du foyer électrique. Il y a des oscillations qui ne sont pas transmises. Et l'activité auriculaire est reprise par un foyer d'échappement qui va à son propre et vous allez avoir l'activité qui est régulière. Mais dans le BAB, l'activité auriculaire peut être assimilée. On met les complexes QRS sont habituellement rapides, mais beaucoup moins rapides que l'activité ventriculaire auriculaire. L'activité ventriculaire est rapide, mais beaucoup moins que l'activité ventriculaire sur environ entre 100 et 150 habituellement. Les complexes QRS vont être fins ou allongés en cas de bloc de bord. Alors que dans le filter, la distance entre les complexes est régulière. D'accord ? Donc les complexes QRS sont inéquidistants, c'est pour ça qu'il arrive, et uniquement protons. ils n'ont pas le même potentiel. Il y a des complètes de faible altitude et il y a des complètes qui sont de grande altitude. Et c'est un événement qui s'en souviendra tout ça. C'est tellement angoissant, la rentrée de 23 ans, qu'il allait mourir. Il n'oubliait jamais ces moments aigus. Et il s'en souviendra même de la date exacte de la sortie de l'arrivée de la population. Alors, donc, et avec le temps, il va s'adapter. Et on va voir. Beaucoup de malades qui sont en fibrillation auriculaire, alors qu'ils ne parlent pas de la tolérance, non, ils disent que ne le sont pas. S'ils sont de ma part des palpitations, je dis non, ce ne sont pas des palpitations. Parce qu'ils s'est habitués à ces palpitations. Mais les premiers moments, ils sont souviendront tout ça. Ils te disent que j'ai un emballement du cœur, ça va faire tellement peur, qu'on a l'impression que le cœur allait sortir et ainsi de suite. Ça dépend également de la cardiopathie sous-jacente. Ça dépend de la cardiopathie sous-jacente. Quand il y a une cardiopathie, on va prendre l'exemple que vous connaissez le mieux. C'est le rétrécissement mitral, c'est la première cause de la fibrillation auriculaire. Et quand vous avez une fibrillation auriculaire d'un rétrécissement mitral, elle est serrée. Elle est très tolérée par rapport à quelqu'un qui a une perturbation. D'accord ? Donc ça dépend de la cardiopathie sous-jacente. Puis il y a la cardiopathie sous-jacente, puis elle est mentonnée. Alors, généralement, un seul mal ne passe pas des palpitations. Il a display. Voilà, ce bassin pour display, puisque le nerf aigu de. Donc ce n'est pas toujours parce qu'on a des compliqués, ça tombe de la nerf aigu. De la simple display jusqu'à l'insuffisance cardiaque en passant par le nerf aigu du poumon. Jusqu'à l'insuffisance cardiaque en passant par le nerf aigu du poumon. Alors. Ça donne des douleurs thoraciques, donc on comprend pourquoi ça donne des douleurs thoraciques. On fait des rapides, la diastolie raccourcie, voilà, le flux coronaire, le remplissage, diastolie, voilà, ça donne une résistance fonctionnelle. Ça donne également des syncopes et des lipotimies, aussi par diffusion du débit cérébral. Ça donne également un état de choc quand elle est rapide. Quand elle est rapide, il va y avoir des missions non seulement des débits régionaux pour le débit cérébral, c'est le débit cardiaque systémique qui va être implanté, ça donne un état de choc. Et même des arrêts cardiaques. Un état de choc, vous retenez un état de choc. Et parfois, malheureusement, elle se manifeste par une complication. Elle se manifeste par une complication la plus fréquente et la plus redoutée. Et redoutable. Alors, quelle est la complication concrète dans la population oculaire? Sans poser. Les trombes. Voilà. L'embolique. Voilà des trombes emboliques. Ce risque très très important qui justifie l'utilisation des anticoagulants dans toutes les ACFA, en dehors des ACFA paroxystiques. Ils ne durent pas de 48 heures, on n'est pas obligé de l'anticoagulant. Au-delà de 48 heures, l'anticoagulation devient systématique. C'est par rapport à ce risque très important de l'accident vasculaire cérébral. Donc, quand on parle de la fibrillation auriculaire, elle se complique de deux choses. La deuxième complication, c'est l'insuffisance cardiaque. Vasculaire, on commence par le RM, c'est le plus fréquent. Ensuite, la maladie mitrale, l'insuffisance mitrale. Exceptionnellement, l'insuffisance aortique et le rétrécissement aortique. Exceptionnellement. C'est surtout des vasculopathies mitrales. Dans les vasculopathies mitrales, c'est beaucoup plus de RM que d'IR. Après les valvulopathies, l'HTA. Première complication dans les pays développés. L'hypertension artérielle, également. Il y a également les cardiopathies ischémiques. La fracture, c'est donc les cardiopathies ischémiques. Les cardiomyopathies primitives soit de la prise ou bien de la profite, cardiomyopathie, c'est dans la atteinte du muscle cardiomyopathie, bénédiction. Le CPC, le perte monnaie chronique. Il y a également la péricardite chronique constitutive. Qu'est-ce que c'est? Les cardiopathies congénitales. Si il y a quand elles ne sont pas opérées, ou pas toutes, si il y a non opérées, ou si il y a une personne non opérée. Il y a la maladie d'Epstein, c'est une insertion face de la femme de 18. On reviendra sur ça. Maladie? La maladie d'Epstein. E-E-P-S-T-E-I-N. C'est une insertion, on reviendra la prochaine fois. C'est une insertion grasse de la base de la certification. Enfin, il y a les causes locales extracardiaires. C'est beaucoup plus. L'extracardiaire, c'est l'hypertonie. Il y a trop jeune, on peut voir le cathétérisme cardiaque, ça peut donner une fibrillation ventriculaire. Hyperthyroïdie. Oui, il y a trop jeune. Très bien, quelqu'un. Enfin, le traitement, les points de la tolérance. Quand on est mal toléré, on n'a pas le choix. Quand elle est bien tolérée, on peut ralentir la tachycardie si elle est rapide. Ensuite, si la tachycardie elle est récente, il faut la réduire par des antiarythmiques ou bien par choc électrique programmé, pas dans l'urgence. Si la FA est récente, ça veut dire qu'elle répond à la réduction. Par contre, elle est ancienne, même si vous essayez de la réduire, elle ne se réduira pas. Alors, si elle est récente, il faut tenter une réduction. Une réduction médicamenteuse, avec une couverture de l'anticoagulant, ou bien par choc électrique externe programmé. Ce n'est pas comme dans l'urgence, le choc électrique, il faut le faire immédiatement en urgence, sans prévention. Si elle est chronique, à ce moment, on se contente uniquement d'un traitement anticoagulant et d'un traitement ralentisseur. On laisse la fibrillation évoluer elle-même. Par contre, on décide par tous les moyens de limiter les complications qu'on va ouvrir par les anticoagulants. Non toléré dans les anticoagulations choc électrique externe, bien toléré ralentisseur de la fréquence. Madame Macan, tachycardie récente dans la réduction médicamenteuse anticoagulant choc électrique externe programmé, chronique des anticoagulations. Maladie thromboembolique ou dans la deuxième complication, l'insuffisance cardiaque. Deuxième point maintenant.